Bricky, Bricky. Quatre gang, libéré, libéré, ouais, libéré. Zepo Otier, car les chemises fait que tourner. Si je vire Bécane, en soleil. La liste de 50 heures, il faut le lever. Kaiser, Sarou, Barcarni, libérez-les. Votre frère OS, faut envoyer des mandats. La juge les jette comme des PSA, ouais, au placard. Auto me couche, tape tout ça pour du Jean A. On commet des délits de garde avant-garde. Tu gardes l'argent pour un après une meuf. Mais tu pleures pas une meuf en courant après l'argent. Roter une galère comme le jour du dimanche. Pas tous le même chose, donc fais la différence. Au loin derrière nous, donc nous font des avances. Calculé quand j'ai dit buzz, donc je prends mes distance, bien sûr t'as fait le compte, assume tes conséquences. Bien sûr t'as fait le compte, assume tes conséquences. Suivant la mort, le bif a rendu fou. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tes doutes pour plavant et t'essayes le tout. T'es jugé à la barre et tu finis au tout. Suivant la mort, le bif a rendu fou. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tout pour plavant et t'essayes le coup. T'es jugé à la barre et tu finis au tout. Bon bien appel radio, une minute on est arrivé. Je veux pas de vitesse, je veux des billets couleur carte Navigo. T'essayes garde à ton corps, tu lis dans le coffre de la vago. Et à l'air tour du clico, qui se cache la cause dans son baggy. Notre entrée dans le game, elle est monumentale. Je suis plus gros bâtard, pas trop sentimental. On dit ta mère sur toutes les instrumentales. Kaiser Bacal, là, il force enfermé en tout. Comme dirait Taï, Taï gros, la rue c'est néfaste. Je bourre un regard, nos démons font surface. La cour 9, nos 3 12, venez, vrai sauvage. On descend chez vous, on retourne votre village. Tu prends pas le cas, vu donc fais pas l'affichage. Les gens y'a là, tu veux le péter, l'anti. Je suis numéro 10 là, je me vois au cash. Bellec, même ton pote peut te mettre un coup de sale. Suivant la mort, le bif a rendu fou. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tes doutes pour plein vent et t'essayes le coup. T'es jugé à la barre et tu finis au tout. Suivant la mort, le bif a rendu fou. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tout pour plavant et t'essayes le coup. T'es jugé à la barre et tu finis au tout. Au quartier c'est la merde, va pour revient des States. Et y'a Bresson qui béton. Quand c'est la guerre, il m'accorde le Dieu fidèle. Fini les bails de bâton. La belle vie nous la voulons tous. Mais comment va-t-on l'obtenir? La concurrence, je la vois plus, vu Kashka ne fait que la punir. Ici, soit tu vois, soit tu dis, soit tu crèves. Nous, on baisse les barreaux de la prison pour nos frères. C'est bon, ta chara, tu sens un peu trop frère. La coutume, jamais balancé frère. Nos mains sont poussières depuis qu'on manifère. On descend dans ta tête pour tu vis en enfer. Méga vassons de terre pour des billes violées. Les cons décassent les couilles, ben sortez les morceaux. Suivant la mort, le bif a rendu. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tes doutes pour plavant et t'essayes le coup. T'es jugé à la barre et tu finis au tout. Suivant la mort, le bif a rendu fou. A chaque fois tu t'aimes, tu dis faut faire des sous. T'achètes tes doutes pour plavant et t'essayes le coup. T'es jugé à la barre et tu finis au tout.